Apporte-moi l'eau vive. Apporte-moi l'eau vive et la source qui change, et la fraîcheur de l'ombre au ciel des noisetiers. Verse encore en mon âme un peu du filtre étrange qui nous rend ivres l'un et l'autre tout entier. Que le vent qui s'engouffre en la haute verdure ne trouble pas nos jeux tout près de nous lier et de nous pénétrer de si douces aventures que nous ne pourrons plus ensemble l'oublier. L'avenir peut toujours, avec son bruit d'orage, du fond de l'horizon déjà nous menacer. Le temps que nous vivons aujourd'hui n'a point d'âge, car c'est survivre enfin que de vivre enlacé. L'éclair qui nous traverse un instant préfigure, au-delà des splendeurs mortelles de l'été, l'inépuisable feu d'un soleil qui perdure quand nous ne cesserons plus jamais d'exister. Par ta lèvre entr'ouverte et ta nuque légère, laisse-moi jusqu'à l'âme encore t'embrasser, que nulle force en toi ne me reste étrangère et ne me vienne jamais dire « c'est assez ».